après-midi, vous serez un peu pâteux. Donc, il faut faire une sieste plutôt de 20-30 minutes, hein, ce qu'on appelle des micro-siestes. Et ça, c'est très récupérateur. Donc, il ne faut pas que ça dure très très longtemps. Et il ne faut pas la faire non plus, ça c'est la deuxième condition, trop tard. C'est-à-dire après 15-16 heures, c'est vrai que ça va reculer l'endormissement. Donc, ce n'est pas l'idéal. Merci beaucoup, docteur Kierzek. Question de santé, c'est terminé pour aujourd'hui. Déjà, on a envie de dire merci de nous avoir suivis. Vous pouvez continuer d'appeler le répondeur de l'émission, c'est le 3921. Rubrique question de santé, vous pouvez laisser vos questions ou nous donner des idées de sujets d'ailleurs à traiter dans cette émission. Merci docteur, on se retrouve lundi. Merci Julie, merci à tous. Rendez-vous lundi à 11h30 pour une nouvelle question de santé, mais d'ici là, prenez soin de vous. Dans un instant, ça pique, mais c'est bon. Bonjour Anne Romanoff. Bonjour Julie. Alors aujourd'hui, comme tous les vendredis, on va recevoir un invité politique et on inaugure avec Frédéric Lefebvre. Ex-politique ou toujours politique? Ah bah, oui, candidat aux primaires. Candidat aux primaires. On va d'accord. D'ailleurs appeler l'UMP pour vérifier s'ils sont au courant. Donc si aujourd'hui avec non. Nous, bah, ils ne sont pas très au courant. Aujourd'hui avec nous, il y aura Chris Deslandes et Léa Landau. D'accord. On reste avec vous donc. Anne Romanoff, à tout de suite. Et c'est maintenant Maxime Switek qui vous présente les titres d'Europe Midi. Bonjour Julie, Europe Midi dans une demi-heure, 12h30, 13h15, trois quarts d'heure pour faire le tour de l'actualité comme chaque jour avec à la une aujourd'hui. Ce dialogue de sourds entre les éleveurs et Lactalis. Les négociations de la nuit dernière n'ont rien donné. Les éleveurs ont d'ailleurs fini par claquer la porte. Oui, mais ce matin, Lactalis a annoncé malgré tout une hausse du prix du lait de 6% pour le 1er septembre. Les producteurs de lait continuent de dire que c'est insuffisant. On fera le point dès midi et demi. À 12h30, également, je crois que c'est l'un des mots de la semaine. La canicule est toujours là. 43 départements encore en vigilance orange. Et une question nous intéressera tout particulièrement. Quand verra-t-on le bout de ce tunnel de chaleur? Nous irons en Italie, où le dernier bilan du séisme fait état de 267 morts. Sur place, les habitants sont furieux parce que certains bâtiments qui étaient censés respecter les normes antisismiques se sont effondrés. Notre enquête du jour, elle nous amènera dans la jungle de Calais. Il y a un an, le gouvernement promettait de réduire le nombre de migrants qui y vivent dans des conditions absolument déplorables. Un an après, ils sont 1000 de plus. Les retours de vacances, week-end chargé, avec cet été un nombre record de voitures qui sont tombées en panne. On essaiera de comprendre pourquoi. Et puis, c'est aussi l'actualité de ce vendredi, la sortie du tout nouvel album de Céline Dion. Vous entendrez les extraits, bien évidemment, et nous serons en direct avec l'une de celles qui a écrit pour Céline Dion sur cet album, la chanteuse Zao. Voilà le programme d'Europe Midi. Rendez-vous à Nissa dans une demi-heure. Je rappelle l'horaire, 12h30, 13h15. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Maxime. Et d'ici là, vous pouvez réagir bien sûr sur Twitter avec le hashtag E1Midi. Vous écoutez Europe 1 dans un instant. Anne Romanoff et toute sa bande. Il est midi. Europe 1. Ça pique. Ça pique, mais c'est bon. Midi, midi 30. Mais c'est bon. Mais c'est bon. Mais c'est bon. Mais c'est bon. Anne Romanoff. Bonjour. Et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ça pique, mais c'est bon. Nous sommes le vendredi 26 août 2016, 239e jour de l'année. Aujourd'hui, c'est la Sainte Natacha. Bonne fête à Natacha Polony, ainsi qu'à ma belle-sœur qui s'appelle aussi Natacha. Mais comme elle vit en Australie, je doute qu'elle nous écoute. Le 26 août 1789, on a adopté la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est bien de s'en souvenir. Aujourd'hui, c'est également la Journée mondiale du chien. On salue tout de même les chiens qui nous écoutent. Voilà. Qui ici a un chien? Non. Un chien? Un chat. Et encore, c'est pas tout à fait le mien. Mais il est souvent chez moi. Ah. On n'en saura pas plus. Aujourd'hui, autour de moi, une brune piquante, Léa Landau. Bonjour. Un barbu complètement piqué, Chris Deslandes. Bonjour à tous. Et tous les vendredis dans cette émission, nous recevons un invité politique. Ce matin, le premier à avoir accepté notre invitation. C'est dire s'il est courageux, complètement inconscient. Et le député républicain et candidat déclaré à la primaire de la droite et du centre, Frédéric Lefebvre. Europe 1, Anne Romanoff. Bonjour Frédéric Lefebvre. Merci. Vous avez peur? Ben écoutez, d'abord j'ai vu que c'était la Sainte Natacha, pas la Saint-Frédéric, donc je me dis que finalement je devrais passer à travers les gouttes. Oui, alors vous êtes candidat aux primaires, mais personne ne le sait. Ben écoutez, grâce à vous, peut-être un peu plus de gens vont le savoir. Vous êtes déclaré en janvier 2016, oui. Pourquoi? Pourquoi je me suis déclaré? Ouais. J'ai mûrement réfléchi, évidemment, avant de prendre une décision comme celle-ci. Je pense que, vous l'avez peut-être vu d'ailleurs dans mes votes depuis 4 ans, je pense qu'il est temps de changer d'attitude politique. Mais tout le monde dit ça en ce moment. Je ne sais pas si tout le monde dit ça, mais moi je le fais. Et d'ailleurs on me le reproche parfois. C'est-à-dire que je pense que le pays n'en peut plus et qu'il attend qu'on s'additionne plutôt que l'on se divise. Je pense que quand on est dans l'opposition, on doit essayer d'être, de faire preuve de position constructive. Oui, mais là vous divisez en fait, parce que vous étiez un peu ami avec notre ami Nicolas, et là vous l'avez contrarié, je crois. D'abord, je... c'est moi vous dites ça parce que c'est lui que vous avez eu au téléphone pour oui. pour le canular de la veille ou du lendemain, c'est ça? Écoutez, moi je peux vous dire simplement une chose, c'est que je fais de la politique depuis maintenant un peu plus de 30 ans. Vous les faites pas. Merci. C'est vrai, vous êtes plutôt bel homme, et je trouve que vous êtes amélioré. Oui. Formidable. Écoutez, ça commence bien cette émission. Hein. Non, mais je sais pas si c'est la barbe. Non, c'est la barbe. Ouais, ça fait tout. Ça vous fait êtes tout. Bel homme, vous votez avec la gauche souvent, vous avez changé. Vous devenez parfait. Non, parfait, faut pas exagérer, mais vous êtes quand même... Attendez, là je me méfie, je me demande ce qui va arriver derrière. Dans l'échelle des hommes politiques, il y a Macron, Montebourg, on peut le mettre en troisième, dans la beauté. Ah oui. Ah, chacun ses goûts, parce que là, franchement, je pense qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Bon, en tout cas, on connaît maintenant les goûts d'Anne Romanoff. Exactement. Ah. Par rapport à Nicolas Sarkozy, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça vous intéresse. Oui. Parce que vous étiez votre grand pote, vous avez été son assistant. J'ai rencontré, j'étais très jeune, j'avais 18 ans. Donc vous l'avez connu à 18 donc, ans. Donc j'ai connu très jeune, on a milité ensemble. Et donc ensuite, j'ai conseillé Nicolas Sarkozy, parce qu'il m'a demandé de venir le rejoindre quand il est devenu ministre, c'était en 93. Comme vous le savez, en 2007, il a été élu président de la République. C'est enfin, ça, me disais bien. J'étais à l'époque son directeur de cabinet à l'UMP. Oui. Et j'ai été l'un de ceux qui a théorisé l'ouverture à gauche. Très bien. Ce qui était d'ailleurs parfaitement en cohérence avec ce que je vous disais tout à l'heure et le sens de mon engagement. Et je trouve qu'il y a eu un petit virage, un petit... Sur la droite. Alors, quand même, une question un peu pragmatique. Mettons que vous ne soyez pas au deuxième tour des primaires. Ça peut arriver. Ah, je savais bien que vous alliez devenir désagréable. Ah, et ce n'est que le début. C'est que le début, mais je me disais à quel moment. Mettons que vous ne soyez pas au deuxième tour, pour qui vous prononcez alors après? Alors ça c'est aussi d'ailleurs un des symptômes. Il ne faut pas que vous tombiez là-dedans. Non, c'est pas parce que maintenant vous avez une vraie tranche d'information. Je vous félicite que tout d'un coup vous soyez frappé du syndrome. Non. Du syndrome qui est que on brûle les étapes. Et non mais d'accord. Moi aujourd'hui je suis candidat. Vous avez les parrainages? On attend 900. Voilà une question désagréable. Vous en avez combien des parrainages? Je sais pas si vous avez remarqué, mais on me pose très souvent la question. Oui. Il répond toujours la même chose. Nous verrons le 9 septembre. Oh. Et je dis, vous verrez le 9 septembre. Il reste plus beaucoup de jours. Il vous en manque? Des jours ou des parrainages? On peut lancer un appel. Ah bah tiens, profitons-en. Alors, il vous en manque combien? Je le dirai pas, mais. Je serais très heureux que les gens me soutiennent, et d'ailleurs même au-delà de ma famille politique, et au-delà même des membres de ma famille politique. N'importe qui, en fait. Pas n'importe qui. Allez, je vous donne mon parrainage pour la primaire. Moi aussi. Très bien. J'engrange. Alors, Chris Deslandes a fait votre portrait, Frédéric Lefebvre. Oui, bonjour. Si quelque chose ne vous convient pas, vous avez le droit de l'interrompre. Oui, oui. Non, mais vous inquiétez pas, monsieur Lefebvre, hein, je vous ai entendu, mais rassurez-vous, vous n'êtes pas sur le service public. Tout va bien. Moi, je préfère dire du mal des gens derrière leur dos. Et en plus, si ça se trouve, vous êtes le prochain président de la République. Regardez François Hollande, il était à 3% d'intention de vote avant la primaire et vous avez vu comment ça s'est terminé. Remarquez, il est toujours à 3%, mais d'opinion favorable. Mais enfin, je voudrais pas insulter l'avenir ici. Frédéric Lefebvre, vous êtes député républicain des Français établis hors de France. Alors, votre circonscription est immense. Elle comprend le Canada et les États-Unis. Mais elle est où, votre permanence électorale? À Denver? On pose souvent la question, c'est drôle. Sans blague? Eh ben, oui, mais vous avez raison, parce que quand j'étais député des Hauts-de-Seine, évidemment, vous pouvez mettre votre nom en grand et les gens viennent vous voir. Là, si je mettais mon nom en grand à Washington ou à New York, ceux de Los Angeles ou de Montréal, viendraient pas me voir. Donc c'est moi qui vais vers eux. D'accord. Mais qui paye les billets d'avion? Ah bah c'est l'Assemblée nationale. Vous devez avoir des miles Air France quoi. Oui, j'ai beaucoup de miles Air France. Et vous devez connaître toutes les hôtesses par leur prénom. Pas encore. Et puis savoir où elles cachent les couvertures en rap dans la cabine pour les 20. Ça j'ai le droit parfois aux couvertures en rap. Et tout de même, méfiez-vous des problèmes de circulation en avion. Hein. Les jambes qui gonflent, c'est horrible. Je vous recommande les bas de contention. Sinon, la flébite vous guette. Donc vous chercherez la contrepétrie chez vous. Non, avant ça, vous avez été secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation. Et de quoi? De la consommation de quoi pour faire tout ça? Alors ça fait beaucoup pour un seul homme. Hein. Ça fait tellement que ce sont pas moins de 4 ministres qui vous ont remplacé dans le gouvernement socialiste. Hamon, Pinel, Pellerin, Moscovici. Ils sont vraiment pour le partage du temps de travail. Hein. Moins il y a de travail, plus ils ont de temps. À noter que plus aucun d'entre eux n'est ministre. Ça leur a pas porté chance de vous piquer votre boulot, hein. Comme quoi. Frédéric Lefebvre, 4 ans après ce qu'on peut appeler l'injuste défaite de mai 2012, où ces horribles gauchos, écolos, bolcheviques, fumeurs de joint et dépravés se sont emparés du pouvoir, par les urnes, certes, mais de tellement peu, vous avez décidé de vous présenter à la primaire de la droite et du centre. Comme tout le monde, hein, j'ai envie de dire. Vous êtes une tripotée de candidats, hein, Juppé, Fillon, Le Maire, Sarkozy, Ma, Menkaem, Morano, Mariton. Bientôt, il y aura plus de candidats que de militants chez les Républicains. Alors, après avoir été un très proche de Nicolas Sarkozy, vous avez décidé de vous émanciper de votre ancien mentor, de voler de vos propres ailes, de faire votre crise d'ado, en somme. Hein. Oui, quand un homme politique fait sa crise d'ado, il ne se fait pas un tatouage sur le front ou un piercing dans le nez, non, il se déclare candidat à une élection. Bon, alors, j'ai jeté un petit coup d'œil à vos propositions. Bon, on peut pas dire que vous êtes franchement de gauche. Restauration de l'autorité de l'État, transfert des pouvoirs de sécurité civile ou militaire, interdiction du burkini, les charges qui sont trop hautes et le temps de travail qui est trop bas, la santé qui prend l'eau, c'est plus un constat, c'est une raison funèbre. C'est dingue, hein. En à peine 4 ans, les socialistes ont tout salopé dans un pays que vous avez gouverné pendant 17 ans. Ils sont forts quand même. Il a eu du mal à trouver ça, parce que moi on m'accuse en permanence de voter avec les socialistes, donc il a dû se donner du mal le pauvre. Vous proposez aussi l'instauration du revenu universel en place de toutes les allocations. Ça c'est révolutionnaire, ça c'est Manu Chao, ça c'est Bernie Sanders. Moi j'ai voté pour vous juste pour ça. Le revenu universel, Léa, c'est comme quand t'es intermittent du spectacle, sauf que t'as pas besoin de faire de la figure dans Plus belle la vie. Donc c'est tout bénef. C'est tout bénef. Frédéric Lefebvre, je vous souhaite bon courage pour les mois qui viennent et vous remercie de votre présence parmi nous ce midi. Mais c'est bon. Alors Frédéric Lefebvre, on va faire un interview pour vous faire rêver un peu. Ça s'appelle... Si j'étais président, je recevrais la nuit. Alors Frédéric Lefebvre, si vous étiez président de la République, vous nommeriez qui à Matignon? Valérie Pécresse ou Nadine Morano? Enfin, franchement, c'est sympathique, vous me donnez vraiment le choix là. Joker. Si j'étais président. Si vous étiez président, Frédéric Lefebvre, vous remplacerez la Marseillaise par Tata Yoyo ou Papa Outel? Alors, s'il y a bien un texte auquel je suis attaché, contrairement à ce qu'on dit souvent, c'est la Marseillaise. Je trouve merveilleusement popularisé par un artiste que j'admire qui est Gainsbourg. Très bien, ça c'est court. Si j'étais président. Si vous étiez président, Frédéric Lefebvre, vous nommeriez Voltaire ou Rousseau à la culture? Pas Carole. Voltaire. Hein. Voltaire. Si j'étais. Si vous étiez président, Frédéric Lefebvre, vous iriez en vacances à Brégançon ou à Ibiza? Alors là encore, franchement. Franchement. Bah, 15 franchement, semaines envie, à Brégançon. J'ai ni envie d'aller à Brégançon, ni envie d'aller à Ibiza. À la lanterne? Pas plus. Non plus. Bon. Si j'étais. Si vous étiez président, vous sortiriez avec une mannequin, une chanteuse, une journaliste, une humoriste? Non, je rigole. Je rigole, hein. Je garde ma Valérie. Wow, votre femme est graphologue, je crois. Oui. Elle vous interprète de l'écriture. Formation. Oui. Et alors, vous avez quoi comme écriture? Ah bah ça, vous lui demanderez. Mais surtout, c'est très utile quand je reçois un petit mot de quelqu'un et que je pour veux... vous parrainer, elle vous dit si vous êtes au bout du parrainage ou pas. Non, mais surtout, elle m'a éclairé parfois sur quelques personnalités. Ouais. Des gens que vous pensiez amis, elle a lu l'écriture, elle a dit c'est des gens qui sont... Non, c'est pas nécessairement aussi précis que ça, en tout cas aussi sur le plan de l'émotionnel ou des sentiments, mais c'est en tout cas assez clair sur le caractère, sur c'est assez impressionnant comme art, la graphologie. Ça vous intéresse, la psychologie, tout ça? Bah, c'est plutôt intéressant, oui. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce que vous pensez des femmes comme... qui portent des robes rouges avec des cols blancs? Un peu en dentelle. Ça pique, mais c'est bon. Oh, merci Frédéric Lefebvre. On se retrouve dans quelques instants. J'appellerai l'UMP parce que je veux soutenir Frédéric Lefebvre. Ils n'ont pas l'air très au courant de votre candidature, vous allez voir. Ça pique, mais c'est bon. Reviens dans un instant sur Europe 1. Imaginez si tout était blanc. Mur blanc, sol blanc, meuble blanc, blanc, blanc. Quel ennui! Heureusement, chez Saint-Maclou, les couleurs se déclinent partout. Sur les rideaux, papier peint, store, vinyle, moquette, parquet. Et en plus, en ce moment, bénéficiez de 15 euros offerts tous les 100 euros d'achat. 15 euros de remise immédiate tous les 100 euros d'achat, jusqu'à lundi seulement, chez Saint-Maclou.

Non, moi, personnellement, je ne peux pas répondre à ça. Je veux dire, je ne suis pas sur le sujet. Je ne peux pas, parce que ça fait partie de notre travail. Vous avez peur de perdre votre place uniquement... Non, non, mais ne me faites pas dire n'importe quoi, madame. Hein. Je peux vous renseigner sur votre carte d'adhésion. C'est tout ce que je peux faire. Ah, moi, je veux bien adhérer pour soutenir Frédéric Lefebvre. Mmh vous savez à combien elle a de parrainage? Écoutez, madame, je vais vous rester longtemps au téléphone pour me poser la même question. Pour d'autres choses, je peux vous renseigner. Ne me demandez rien sur la primaire. D'accord. Et alors, je peux vous laisser mon nom? Non, non, non, je peux rien faire de votre nom. Oh, moi, monsieur, moi, je vais vous donner mon nom. Non, parce que... madame, ça vous fait plaisir, j'écris dans un coin, mais me dites pas dans deux jours, je vais laisser mon nom, qu'avez-vous fait, quand avez-vous fait? Moi, je vais le laisser. Vous allez laisser mon nom dans un coin? Bah oui. Et puis, si vous voyez... On peut rien faire avec votre nom comme ça. D'accord. Adhérer au niveau des Républicains. J'ai compris. Mais si vous voyez Frédéric Lefebvre, vous... Non, je le verrai pas. Je le verrai pas, je suis une employée de bureau, madame. D'accord? D'accord. Et est-ce que je peux vous laisser mon nom? Oh, bah, si ça vous fait plaisir, madame, maintenant, je vais surtout pas répondre non, hein, allez-y. Et vous le notez dans un coin? Ben oui, c'est ce que vous voulez que je fasse, je vais le faire. Alors, c'est Anne, A-N-N-E. Vous avez noté Anne? Oui, je suis notée. Romanov. D'accord, bah, c'était une blague. Bonjour, madame. Je vous souhaite une très bonne journée. Vous allez passer sur Europe 1. Ben d'accord, je vous remercie. Je vous remercie, madame, c'était très drôle. Ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanov. C'est pas gagné pour vous soutenir, Frédéric Lefebvre. Heureusement que vous avez fini comme ça, parce que sinon vous alliez vraiment me donner une mauvaise réputation aux Républicains. Pourquoi? Bah, vous avez fini dans l'humour en lui disant que c'était une blague, mais sinon je sentais que à chaque fois qu'elle entendrait le nom Frédéric Lefebvre, elle aurait peur. Léa Landau, vous a fait votre portrait musical, Frédéric Lefebvre. Vous aimez la musique? J'aime la musique, oui. Oui, parce que Nietzsche disait « La vie sans musique est tout simplement une erreur ». J'espère donc, en revanche, que la vie en musique de Frédéric Lefebvre n'en sera pas une. Déjà, rebonjour Frédéric. Je peux vous appeler Frédéric? Bah, avec grand plaisir. Freddy, et même. Et Fred, ouais. Fred, Fredo. Non, je préfère demander parce que... Fredo, ça fait un peu déménageur. Ouais. Alors Freddy, que Fred, ça fait vampire. Oui, Fred, c'est plutôt intime. Fred, c'est mais je préfère demander parce que j'avais peur que cela vous gêne, Anne, puisque Anne m'a tout avoué ce matin. Elle m'a dit... Je me fous du monde entier quand Frédéric... Le rappel des amours de nos 20 ans. Voilà, votre femme était au courant? Non, mais ça y est, elle va l'être. Elle va l'être. À ce propos, j'ai mes sources. Donc, il paraît que la première fois que vous avez vu votre femme Valérie, vous avez dit à vos amis... J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle ne veut pas, non, non. Mais apparemment, vous avez été persévérant et ça a marché. Vous arrivez toujours à vos fins, Frédéric? Ouais, toujours, en tout cas, là j'y suis arrivé. Alors, vous revenez tout juste sur le devant de la scène médiatique, hein, que vous avez déserté au profit du terrain ces derniers mois. Je me suis inquiétée, hein, vous savez, j'ai même failli vous appeler pour vous dire... Et puis finalement, j'ai préféré ne pas vous embêter, vous laisser œuvrer, parce que quand même, il y a du boulot. Comme on dit, vous partez quand même de loin, excusez-moi de vous le dire, mais vous êtes toujours derrière les autres, Frédéric. Rien qu'en tapant Frédéric sur Google... Frédéric Lefebvre, précis. Frédéric Lefebvre, rien qu'en tapant Frédéric donc sur Google, devant vous, il y a Frédéric Becbédé, Frédéric Lopez et même Frédéric François. Sans compter qu'à l'UMP, on vous classe derrière Nicolas Sarkozy, Alain Juppé ou encore François Fillon. Mais, vous savez quoi, Frédéric Lefebvre, tout cela n'a absolument rien d'inquiétant en réalité, car je partage les idées de Céline. Alors, pas celle de l'auteur controversé Louis-Ferdinand Céline, bien sûr, mais celle de la chanteuse Céline Dion, qui a redonné espoir à tous ceux qui étaient en bas de liste. Les derniers sont les premiers dans notre réalité. Donc rien n'est perdu pour les primaires. Voilà, parce que pour les autres qui vivent dans une grotte et qui ne se rasent plus comme vous, vous êtes bien candidat à la primaire de droite. D'ailleurs, permettez-moi de vous dire cette petite parenthèse, mais cette barbe naissante vous va vraiment très bien, hein, avec vous avez le physique d'un révolutionnaire viril du 18e siècle. Et ça peut faire la différence, vous savez. D'ailleurs, que diriez-vous d'un second tour Frédéric Lefebvre et François Hollande? Quoique ce qui est regrettable, c'est qu'on connaît déjà le résultat si l'on s'en tient à la célèbre fable de La Fontaine, Lefebvre et la tortue. Parce que monsieur le président l'a bien compris, rien ne sert de courir, il faut partir à point, ça c'est sûr, courir il connaît pas, mais espérons qu'il sache partir à point en 2017. Pour ma part, comme tous les Français, je suis perdu, on ne sait plus pour qui voter. En bas, à gauche, à droite. Sur Surtout que vous n'aidez pas Frédéric Lefebvre, puisqu'on l'a dit, hein, bien qu'en étant de droite, vous êtes du genre à voter pour les idées de gauche si vous les trouvez bonnes. Mais je ne vous blâme pas, je pratique exactement la même méthode dans ma vie privée, je suis attentive à toute proposition et je vais de droite et de gauche en me disant que je finirai bien par trouver le bonheur là où il est. Parlons peu, parlons bien, Frédéric Lefebvre, c'est le moment. Prends-toi en main, c'est ton destin. C'est ton destin. Prends-toi en main, c'est ton destin. Je vous souhaite en tout cas plein de courage, bonne chance et j'espère, enfin je me suis dit quand même que ce que vous alliez retenir de moi en sortant de cette radio, c'est... Elle est pas jolie, elle est pas moche non plus. Léa. Elle est pas à gauche, elle est pas à droite, elle est pas maladroite. Et moi tout ça, ça me va. Merci Frédéric Lefebvre et bonne chance. Corotin, ça pique, mais c'est bon. Anne-Manon. Frédéric Lefebvre, on ne pouvait pas ne pas évoquer avec vous l'affaire Zadig et Voltaire. Je rappelle l'affaire. Les faits. Un journaliste qui vous demandait quel était votre livre préféré, vous avez répondu trop vite, Zadig et Voltaire, comme la marque de vêtements, alors que vous vouliez dire Zadig de Voltaire. C'est ça. Et ce petit lapsus a fait les choux gras des humoristes. Exactement, je crois même d'ailleurs vous y étiez... Moi, pas du tout. Non, vous en faisiez tous sauf nous. Bon, alors ça m'étonnerait, c'est pas mon genre. Que celui qui n'a jamais commis un lapsus ou dit une bêtise me jette la première pierre. Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Alors, je vous propose un petit jeu, Frédéric Lefebvre. Qui a dit ? Les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir. Elle arrête pas de me souffler, mais j'ai pas compris. Alors c'est qui ? Jacques Chirac. Ah c'est vrai, il a dit ça, Chirac ? Ouais. Qui a dit mal. Les veuves vivent plus longtemps que leurs conjoints. Ça pourrait être lui aussi, remarqué. Hein. Non, c'était Jean-Pierre Raffarin. Qui a dit « Je veux que chaque Français sorte son instrument, le prenne en main et descende dans la rue pour montrer à ses voisins ce dont il est capable. » Ça pourrait être Georges Marchais, mais... Jacques Lang. Ah oui, Jacques Lang a dit elle ça. Elle mange vos lunettes ou pas? Ou j'articule pas assez? Jacques Lang a vraiment dit ça. Qui a dit « Si je suis élu, rien ne changera en France ?» Je sais pas, mais beaucoup auraient pu le dire. C'était François Bayrou. Et pour finir, qui a dit « Barre, c'est mon compagnon de chambre, il dort à côté de moi à l'Assemblée. Ah, » je sais pas qui était son voisin à l'époque. Vous devriez le savoir. Santini. Ah, voilà. Santini. Ah bah oui, puis ça pouvait être un joli mot d'André. André Santini, vous avez été le suppléant dans les Hauts-de-Seine. Exactement. Un homme que j'apprécie, qui a beaucoup d'humour. Oui. Alors ça vous a énervé cette histoire de Zadig et Voltaire ? Franchement non. Non ? Ça m'a d'autant moins énervé que j'ai plutôt apprécié tout de suite, parce que ça va très vite évidemment, et tout de suite sur Twitter, il y a eu un jeu très drôle où ils ont inventé ma bibliothèque. Ouais. Et c'était assez amusant. Mais la vraie question, c'est est-ce que la marque de fringues vous envoie des vêtements ? Europe 1, ça pique, mais c'est bon. On est très heureux que vous soyez avec nous, Frédéric Lefebvre. Merci. Moi aussi, je suis très heureux. Je pense qu'il va y avoir un avant et après cette émission. Ouais. C'est sûr. C'est sûr. Si vous aviez une baguette magique, Frédéric Lefebvre, vous feriez quoi ? À part avoir vos parrainages ? Non, c'est pas ça que je ferais du tout. Non, si j'avais une baguette magique, j'essaierais de convaincre tout le monde que le revenu universel est une idée qui est une idée qu'il faut se donner le temps de regarder de près. Ce sera un revenu parce qu'aujourd'hui, universel de combien ? Aujourd'hui, il y a des expérimentations dans certains pays qui tournent entre 800 et 900 euros. Moi, je le propose entre 800 et 1000. Mais en fait, il faut qu'on travaille et qu'on se mette autour de la table avec un gouvernement qui accepte de mettre les chiffres, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. L'idée, en fait, c'est que il faut trouver un système qui soit adapté à notre époque. Or, le revenu universel, il a cette force qu'effectivement, il va remplacer la totalité du maquis social d'allocation. Et en faisant ça comme il est sans condition, ça veut dire que tous ces gens qui travaillent à mettre des conditions, tous ces gens qui travaillent à sanctionner ceux qui ne les respectent pas, à accompagner ceux pour qui c'est trop compliqué de comprendre les règles qu'on met en place, ou ceux qui vont sanctionner dans les tribunaux, c'est-à-dire ça coûte quand même entre 20 et 32 milliards d'euros qui vont pas dans la poche des gens. C'est le système qui les détourne à son profit. Eh bien, moi, je veux désintermédier. C'est exactement ce qu'on fait avec l'économie collaborative, mais il faut le faire au niveau d'un État. Et en désintermédiant, tout d'un coup, on va pouvoir faire une nouvelle répartition dans ce pays. Mais les fonctionnaires sont au chômage, alors, écoutez. Bien sûr, ça veut dire qu'il y a des... Ils vont devoir toucher le revenu... Non, ils vont devoir progressivement faire autre chose que ce qu'ils faisaient aujourd'hui, qui est de pondre des réglementations pour emmerder les gens. Et on est dans un pays où on emmerde tout le monde, toute la journée. Vous connaissez ma femme. Si j'avais un slogan, c'est... Arrêtons d'emmerder les gens, j'ai dit les gens. Ça, c'est un beau slogan, alors. Arrêtons d'emmerder les gens. Oui. Merci.